parler de hockey mineur et de l'album Mississippi avec notre ami Danny Lavoie. Salut Danny! Salut, hey, bonne fête en passant. Même âge que moi, 42 ans. C'est là qu'on voit que la rouille, la garantie est passée, hein? Tranquillement pas vite, là. Ouais, tranquillement pas vite. Ouais. Hey Danny, gros tournoi en fin de semaine. C'est la 42e édition du tournoi Bantam. J'ai toujours la misère à dire Atom Bantam, mais c'est Bantam cette année. Et à quoi ça ressemble? Ben écoute, le comité a travaillé vraiment super fort encore une fois cette année pour offrir une édition qui va plaire à tout le monde. Ça a été plus difficile au niveau des inscriptions. Ils ont réussi vraiment à aller chercher le nombre d'équipes qu'il fallait. Donc, ils ont une vingtaine d'équipes. Il y en a quelques-unes qui proviennent de l'extérieur. Donc, c'est toujours intéressant de faire venir des équipes de l'extérieur parce que ça amène du monde dans la région. Ça amène le business. De dépenses, un petit peu d'injection d'argent dans le coin. Mm. Fait que oui, ils ont travaillé super fort. Ils sont encore aussi à la recherche de bénévoles là, pour ceux qui voudraient peut-être s'impliquer, là, venir offrir du temps, là, que ce soit pour les entrées, que ce soit pour l'accueil des équipes, puis donner un coup de main aux différents organisateurs. Là. C'est toujours apprécié. Puis le succès de ces événements-là, ben ça passe par ça, hein, la réussite. Là, fait que les comités, là, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup d'implications des parents aussi là, pour s'assurer que l'événement va être une réussite. Là, fait qu'on espère qu'on va avoir du monde à la réunion. C'est sûr que quelque part, je veux pas revenir sur l'histoire qui était. Écoute, tu dois être au courant de l'année des histoires qui est arrivée il y a deux ans. Là. Avec les ouais. Optimistes et ainsi de suite, on ne déterra pas les morts, sauf qu'on faut en parler un petit peu pareil. Les optimistes amenaient quand même leur lot de bénévoles. Hein. Ça doit être dur de remplacer ça. Oui, ça a été difficile de remplacer ça. Il a fallu travailler très fort. Ouais. Fait que là, c'est sûr que là, cette compensation-là au niveau du manque de bénévoles est passée beaucoup par les parents des enfants qui jouent au niveau Bantam Bay. Okay. Fait que ces gens-là ont redoublé leur beurre, puis ils sont impliqués comme ça. Mais là, c'est sûr qu'on veut impliquer là, davantage de personnes. Là. On veut aller chercher des gens de l'extérieur qui n'ont pas nécessairement des enfants là, qui jouent au hockey mineur, donc des membres des familles, etc. Okay. Puis l'organisation des optimistes avait justement cette capacité-là à attirer puis à regrouper beaucoup, beaucoup de monde. Fait que c'est ça qu'on essaie de reproduire. Là. Mais le comité, avec Pierre-Luc Ménard en tête, travaille très fort. Okay. Ils ont vraiment fait de gros efforts. Est-ce que c'est une alternative? Bon, c'est, les optimistes, on oublie ça parce que je pense que ça a laissé beaucoup de froid parce que j'ai parlé il y a du monde qui ont été amers de la manière que ça s'est terminé. Mais est-ce que du côté du hockey mineur et du comité, il n'y aurait pas moyen de donner peut-être à une autre organisation, je sais pas, les Rotary? Sur les Rotary, c'est pas vraiment un sport, là, mais y a-t-il quelque chose qui pourrait se faire de ce côté-là? Ben pour l'instant, on n'a pas encore envisagé cette option-là, okay. Parce qu'on voulait vraiment se réapproprier nos tournois pour voir jusqu'à quel niveau on était capable de s'impliquer là-dedans et de faire grandir nos événements. Mais c'est pas une avenue qui est envisagée pour l'instant, mais on n'est pas fermé à cette option-là non plus de réinviter ou de réimpliquer un organisme communautaire. Okay, okay. Donc, c'est une possibilité, mais on ne l'a pas envisagé pour l'instant. Donc, les équipes, je sais que on va parler avec Pierre-Luc Ménard à tous les jours à partir de la semaine prochaine, mais les équipes viennent de où? À peu près, est-ce que tu sais? Est-ce que tu as une bonne idée? Ben, il y en a beaucoup qui proviennent de la région, bien entendu, mais on en a dans la région de Charlevoix, on a les équipes de Chibiamou aussi, j'ai pas toutes les inscriptions devant moi, là, j'ai regardé ça vite cette semaine, là. Mais il y en a de l'extérieur un petit peu comme ça, puis c'est sûr que c'est des équipes parmi lesquelles on doit offrir le plus possible d'hébergement, hein, puis c'est sûr qu'on n'a pas une grande capacité hôtelière, donc ça se remplit rapidement dans notre coin, là. Fait que dans ce temps-là, il faut être capable d'aller situer, de les dispatcher comme ça. Mais le comité, écoute, on fait des recherches, ils ont envoyé des demandes d'inscription un peu partout au niveau de la province. Il y a quand même certaines équipes qui sont intéressées à venir ici. Là. Ouais. On va voir quelle sorte de tournoi ça va nous donner cette année. Moi, j'ai bien confiance en réussite notre bel événement. C'est sous la présidence d'honneur d'Isabelle Boilland, entre autres, également. Oui. Okay. Autre chose à ajouter, peut-être, les castors, ça va toujours bien, sont en tournoi en fin de semaine. Du côté Simplelette, on a moins de nouvelles du côté Simplelette, ça donne quoi, là? OK, Simplelette, ça dépend des équipes. Il y a une bonne disparité de calibre cette année, hein. On a beaucoup de différences entre les calibres des équipes. Fait que ça fait des bonnes différences aussi dans les classements puis dans les résultats des matchs aussi. Des fois, il y a des accords de but assez importants. Ouais. Par contre, nos entraîneurs travaillent fort pour rétablir ces écarts-là un petit peu pour essayer de ramener un équilibre et faire développer nos jeunes. Je pense aux Pioui, par exemple, qui ont des saisons un peu plus difficiles. Je regarde au niveau Bantam, là, c'est pas si pire quand même, là, depuis le sous-classement dans le B, ça se passe assez bien. Niveau atome, c'est correct aussi, les castors sont performants. Fait, on essaie de se donner du temps. Là, la routine pratique et match s'installe tranquillement pas vite. On a aussi le début de saison du novice qui va commencer prochainement. Fait qu'on va être en mesure de voir jusqu'où nos jeunes sont capables de performer. L'important là-dedans, c'est qu'ils continuent à s'amuser. Puis on va voir la progression au fil. Okay. Donc, on va suivre ça en fin de semaine et tout au long de la semaine. Ben, Danny, autre chose à ajouter peut-être en terminant? Yes. On souhaite avoir le plus de monde possible. Fait qu'on va, si tu es présent, on va sûrement se jaser un petit peu dans l'aréna. On en profitera pour regarder un match. Est-ce que les deux arénas sont sollicités? Les deux le sont, habituellement, oui. Je ne sais pas si le nombre de matchs est paritaire entre les deux arénas, mais quand je regarde, par exemple, le tournoi à Tumpiwi qui va avoir lieu la semaine suivante, eux autres, ils ont besoin vraiment plus des deux arénas parce que beaucoup plus de parties à assurer, plus de 44 qui sont inscrits pour ces tournois-là. Donc, on essaie de solliciter les deux arénas. Généralement, les finales, les demi-finales, ça passe dans un seul aréna pour regrouper les gens présents dans une seule et même location là, pour avoir du monde dans l'aréna. Mais sinon, comme ça que ça va. Ben, Danny, on s'en reparle quelque part la semaine prochaine. C'est sûr que tu es un homme occupé. On s'en reparle dans le coin de la semaine. Avec plaisir. Le responsable du hockey mineur de Boom Sessing, Danny Lavoie.